7h46 à Radio X. TVA passe sa semaine à nous parler de suicides, étant donné qu'on a fait une série de reportages sur la vague de suicides qui a emporté 5 jeunes filles sur la rive sud. On a parlé hier, nous, à des parents éplorés que ça fait un an que leur petite fille s'est enlevée la vie. Hein, les parents de 2 jeunes filles âgées de 16 et 17 ans quand elles ont chacune commis le geste. Au total, toutes ces 5 jeunes filles qui se connaissent, qui se sont enlevées à vie. Puis hier à TVA, ils disaient, à partir du moment où on présente des reportages comme ceux-là, les lignes d'appel pour le suicide débordent. Ce qui est parfait. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut en parler du suicide. Parce que, tu sais, il y a 2 écoles. Ou bien on n'en parle pas, ou on en parle. Il n'existe faut pas trop en parler pour pas inciter, mais... moi, je suis pas surpris que les lignes débordent. Puis les cas, là, ça finit plus. Tu sais, avant hier, on parlait de 5 jeunes femmes, ça arrive sud. Là, hier, à TVA, puis regarde, un matin, là, il y en avait un hier matin, il y en a encore un autre un matin, un jeune homme, là, selon nos informations, qui se serait suicidé. C'est pas trop clair dans la vie de décès ce matin dans les journaux, mais regarde, il y en avait un hier matin, il y en a un encore ce matin dans le journal. Puis hier, à TVA, on nous a parlé d'une jeune fille de 18 ans, Jessica, qui s'est enlevée la vie à Charlebourg, dans son appartement, le 15 septembre dernier. Donc, c'est tout récent. C'est son père qui témoignait hier à TVA. Une belle jeune femme, 18 ans, a laissé sa sœur aussi dans le deuil et tout ça. Puis sa sœur se pose aussi beaucoup de questions. Puis, ça finit plus les histoires. Là. Ça finit plus. C'est un vrai fléau, là. On a l'extrait du père, d'ailleurs, à TVA hier. On écoute. Elle me manque beaucoup. C'est pas les sirènes de la police qui enterraient le son dehors, c'était moi qui criais très très fort. Là. La première chose que la police m'a offert, puis je les remercie, ils m'ont offert d'appeler le centre de crise de Québec. J'ai dit oui tout de suite. Ils ont fait venir mon gars Vincent. Et ça a été une autre crise dans la maison, une crise interne, une crise dans notre cœur, tu sais. Et une fois que ça s'est passé, on a fait venir mon autre fille. Et là, c'était une troisième crise qui est arrivée ici. Et les deux psychologues du centre de crise étaient là pour nous aider, pour nous renforcer, pour nous enlever notre culpabilité. Jessica, c'était une fille qui était jolie, qui aimait être jolie, qui aimait la perfection. Puis jamais elle aurait demandé de l'aide pour son père, tu sais, ou quoi que ce soit. Juste pour être clair, là, on n'a pas rajouté de piano sur l'extrait, là, c'était dans le reportage. Okay. Musique, c'est une chose, là, mais le propos du père, il criait tellement quand il a su ça. Il dit au début de l'extrait, il criait tellement qu'il enterrait les ambulances et les services d'urgence qui étaient là. J'espère que c'est la punition des gens qui se suicident d'être pognés à rester là et à regarder ce qui se passe après. Oh boy, non, ça arrive, en tout cas. C'est sûr que non, là. En tout cas, chacun ses croyances, là, mais... J'espère! D'une façon ou d'une autre, là, avant de redevenir de la poussière ou d'aller chez Bouddha ou whatever, là, qu'il reste là au moins une couple de jours, là, à regarder ce qui se passe un peu autour, puis à regarder l'étendue de merde, l'étendue de tristesse. Quel dégât, hein? Ah, c'est terrible! Un des gestes les plus égoïstes à poser, c'est un geste d'être centré sur soi-même puis de se foutre carrément des broches quand tu fais ça, là. Mais on a-tu avancé? On a-tu des meilleurs moyens qu'il y a 15 ans? Est-ce que le fait d'en jaser entre nous autres, ça change vraiment la donne? Je le sais pas. Je me posais encore la question hier après-midi. Tu sais, on a parlé avec les familles qui sont encore chagrinées puis qui essayent de passer les beaux messages puis les bonnes valeurs, mais au total tout, la statistique, elle n'a pas encore beaucoup changé. Non, ça avance, mais c'est ponctuel. Comprends-tu qu'une série de reportages comme ça, TVA, ça a son effet. Bravo pour la job qu'ils ont faite parce que ça a son effet. Je suis convaincu que ça a suscité des discussions. On l'a vu, là. Moi, je pense que oui. Si ça a sauvé une vie hier, là, c'est toujours bien ça. Hein. C'est une vie de gagnant. C'est une discussion, effectivement, qui a eu lieu puis qui a empêché quelqu'un de commettre l'irréparable, là, c'est gagnant. Ça a-tu sauvé une vie ou pas, je le sais pas, mais ça se peut que ça en ait sauvé une. Quelqu'un qui a dit, ah, tabarouette, ça vaut pas la peine m'enlever la vie, m'a appelé, voir ce qu'ils peuvent faire pour moi, puis de voir des familles comme ça éplorer, ça peut en faire réfléchir quelques-uns. Mais c'est ponctuel. Là, on en parle cette semaine. La semaine prochaine, on va passer à d'autres choses. Là, le Canadien va se remettre à jouer peut-être dans les prochaines semaines. On passe à d'autres choses. La Nordic Nation, la Commission Charbonneau, whatever. Après ça, une vedette va mourir et on va dire, oh, mais elle avait le mal de l'âme. Puis soudainement, on va tout lâcher le discours qu'on avait cette semaine. Ça m'écœure, là. C'est vrai que socialement, dès que t'as une personnalité qui meurt, tu sais, quand c'est comme ça, des enfants, là, tu montres les parents puis tu vois tout ce que ça laisse. Puis dès que c'est une personnalité, ah, oh, mais c'est normal, hein. C'est ouais, un artiste. On a de moins en moins ce discours-là. Que c'est heureusement, normal. D'ailleurs. Change, on l'a de moins en moins. Je pense qu'on l'a échappé à quelques reprises, là, entre autres, la foi de Gaétan Giroir, la foi de Dédé Fortin, là, où des gens se sont fait prendre à glorifier le suicide d'une façon ou d'une autre, tu sais. Ça, faut faire attention à ça. Ça veut pas dire de pas en parler, pis ça veut pas dire de pas aller aux funérailles, pis ça veut pas dire ci pis ça, là. Ça veut juste dire, regarde, faut regarder le geste pour ce qu'il est. C'est jamais le bon geste à poser. Puis peut-être que la réflexion à avoir, nous autres, c'est de se poser la question, tu sais, si je m'étais enlevé la vie quand ça m'a passé dans la tête, ou si je m'étais enlevé la vie à 16, ouais, 18 ans, qu'est-ce que j'aurais manqué? Tabarnouche. Quand tu m'as pensé à ça, c'est fou. Ah non, je capote, moi. C'est fou. J'ai ça dans la tête depuis hier. Hey, 18 ans, là, la fille du monsieur qu'on vient d'entendre. 18 ans? T'as rien fait encore. T'es un enfant à 18 ans encore. T'as même pas commencé à vivre. Épouvantable, là. C'est épouvantable. Mais au total tout, on fait quoi? Tu sais, on a parlé avec Pascal Picard la semaine passée, qui est porte-parole pour le Centre de prévention du suicide ici à Québec. Puis il y aura un show bénéfice et tout ça. Puis nous autres, ça fait longtemps qu'on veut s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Puis j'imagine qu'on va le faire. Mais est-ce que dans 5 ans, on va regarder le portrait au Québec, puis ça va être encore autant de personnes qui s'enlèvent la vie? T'sais? C'est toujours la partie aussi, comment partager ça entre le bottage de cul et la compréhension. Ouais. Nous autres, on a souvent l'attitude ici en onde de dire « bottez-vous le cul! » Oui. Une de perdue, 10 de retrouvée, allez voir des filles, regarde, vous êtes fait domper par votre blonde, allez voir ailleurs, vous allez voir, vous allez vous remettre, puis il y en a pas de problème, puis bottez-vous le derrière, puis travaillez, puis... Pour bien du monde, peut-être ça marche pas aussi, hein, ça. Le bottage de cul, puis il y a du monde qui ont plus besoin de se faire écouter, puis se faire dire, comprendre. On comprend, c'est difficile, on est passé par là. C'est pas facile de partager tout ça. Hein. Puis c'est vrai, hein, on a beau en parler cette semaine. Comment on va faire pour le régler, le problème, ou le diminuer? Comment on va faire? Comment ça se fait qu'à Haïti, il n'y a pas de suicide non plus? Ils n'ont pas le temps. On va tous se remettre tout à penser à ça cette semaine aussi. L'être humain est une bébite qui doit s'occuper autant la tête que le corps. C'est l'ennui souvent... Ouais. Qui part la spirale de marde. Tu sais, tu t'emmerdes dans la vie parce que ça va pas assez vite autour de toi. Tu t'emmerdes dans la vie parce que t'as pas trouvé tes passions. Tu t'emmerdes parce que ton chum vient de te laisser. Tu t'emmerdes pour ci, tu t'emmerdes pour ça. Tu sais, des fois, il y a des bouts d'entrevue qui te restent marqués à vie, là. Moi, il y en a une, puis je sais que Dupont en parle des fois aussi. C'est quand mon chum, Jeff Vézina de la police de Québec, était venu nous parler un midi ici, il y a quelques années. Jeff Vézina, qui est un sergent à la police de Québec, qui a travaillé longtemps en Haïti, t'es venu nous dire que le suicide en Haïti, ça existe pas. Pense pas à ça, le suicide, là. Un gars qui se fait domper par une fille à Haïti, là. Pense pas à l'Espagne, lui, là. Un gars qui découvre qu'il est cocu à Haïti, il pense pas à aller se clencher dans le garage, là. Ils ont des vrais problèmes, eux autres. Ils ont des vrais problèmes majeurs. Le suicide est inexistant, pourtant. Le suicide semble être un phénomène de société de bébés gâtés. De gens qui vivent dans la ouate. À l'aide. La première fois qu'ils tombent sur le cul pis qu'il n'y a pas de ouate, ça fait mal. Fait mal, hein? Fait mal. Quand t'as été ici assis le cul dans la ouate toute ta vie, pis là tu tombes, tu te foires, pis oh, ça fait mal aux fesses. Hein? Oh, non, c'est ça. J'étais élevé dans la ouate, moi. Pas nécessairement au niveau de la richesse, mais au niveau de l'encadrement, puis tu sais, les parents tout le temps là, puis protégés dans une certaine mesure. Tout pis, va bien aller. Mais pis... les premières fois que tu vis une peine d'amour, pis les premières fois que tu vis un échec, là, c'est pas évident. C'est vrai que t'as l'impression de te noyer, puis c'est vrai que tu cherches tes repères longtemps, puis... Mais tu t'en reviens à un moment donné. Ouais, mais t'en reviens, mais sur le coup, t'as personne pour te padder, alors que toute ton enfance, toute ta jeunesse, t'avais un entourage pour padder ça, pour comme compenser. La vraie question est là. C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui s'en sort et quelqu'un qui s'en sort pas? T'en reviens comment? Comment tu fais pour en revenir de la peine d'amour? C'est ça. La question de fond, elle est là, pis elle est pas évidente à répondre. D'un, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, puis de deux, parce que on n'est pas tous préparés. Puis moi, je pense que c'est peut-être ça, là. Tu sais, hier, on avait une mère qui nous disait, ça prend des cours de positivisme à l'école. Je suis pas sûr de ça. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faut se trouver un mode d'emploi, il faut se trouver une marche à suivre, puis pas collective, là. Faut que chaque personne se pose la question. Je pense que effectivement, c'est peut-être pas si collectif que ça. Non. C'est plus individuel comme problème. Là. Quand moi, ça va m'arriver, parce que ça va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire pour pas perdre le contrôle de moi-même? Qu'est-ce que je vais faire pour pas tomber dans le précipice? Il y en a un que ça va peut-être être de dire, je vais aller prendre une grande marche. Au pire, écris-le quelque part, là. Tu sais, par étapes, là. Quand je vais rentrer dans la chambre, là, puis ça va être mon meilleur ami qui est en train de sauter ma blonde, là. Qu'est-ce que je vais faire? Fait du bien d'aller prendre une marche dans ce temps-là plutôt que de sauter une coche ou de faire comme le gars à Saguenay en début de semaine qui est allé chercher sa blonde puis qui l'a amené dans le parc en auto puis qui a fait semblant de faire des accidents puis qui disait on va mourir ensemble. Il a peut-être dû aller prendre une marche, lui-là. Là. Puis... Il a peut-être fait du bien. Tant que t'as ça dans la tête, là, continue à marcher. Mm-hmm. Fais-en 30, fais-en 40 des kilomètres à pied, c'est pas grave. Tant que t'as ça dans la tête, là, continue de prendre l'air, prendre des grands respirs. Tiens-toi loin du rift. Puis effectivement, c'est individuel, mais collectif. Si t'incites le monde à justement préparer ce plan-là, à se dire, si à un moment donné, tu vois que t'es sur le bord de l'échapper, qu'est-ce que tu sais qui va te ramener sur terre pendant que t'as ta tête au complet, pendant que t'es pas dans cette situation-là? La clé, c'est d'avoir une vie en dehors du couple. Là. Je parle du couple parce que souvent, ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils viennent de découvrir qu'ils sont cocus. Ouais. Mais la clé, c'est d'avoir des passions autour de ça. Tu sais, les gens que leur vie tourne uniquement autour de leur couple, t'as eux autres qui sont un petit peu à watcher. Faut que t'aies d'autres intérêts en dehors de ça. Faut que t'aies une vie, faut que t'aies des passions qui font pas nécessairement partie de ton couple. Là. Des soupapes. Ouais. Vide à mesure. T'as du stress au travail. J'en évacuée. Ai des soupapes, moi. J'en ai, là. Ben oui. Tu penses m'en faire dimanche après-midi? Ça va être ma soupape. Les pattes qui jouent. Mes problèmes n'existent plus quand je regarde ça. C'est niaiseux, vous allez dire, hein? C'est ça. Mes problèmes n'existent plus quand je regarde mon équipe jouer à TV. Ces petites niaiseries qui font sourire, qui gardent en vie, là. Exact, exact. On s'en va en ligne. Des gens veulent nous parler. Allô, choix. Oui, salut. Comment ça va? Ça va bien. Moi, ça va bien. J'ai été confronté à ça souvent, moi, le suicide. J'ai même trouvé un proche, mon frère, pendu. Oh. Je vais te dire... Quel âge? Pardon? Quel âge il avait? Il avait 18 ans. Il allait avoir 19 ans. 18 ans. Ouais, je parlerai pas pour les adultes, là, mais je vais te parler pour les gens, parce que j'en ai vu beaucoup, OK? Oui. Mais il y a une affaire que je remarque, c'est que ces jeunes-là, jamais ils pensent quand ils font le geste, là, en tout cas dans ce que moi j'ai vu dans une 10-12 fois, là, c'est qu'ils pensent qu'ils vont rien déranger. T'sais, ils dérangeront pas personne, ils s'en vont parce que justement, ils pensent pas à ça. Ils pensent que ils sont inutiles puis ils dérangent rien. Puis la fois que tu t'aperçois que tes parents l'aimaient, c'est après qu'ils soient partis. Hey, là, tu te dis, Chris, pourquoi il a pas montré avant, tu sais? Pourtant, mais c'est ce que j'ai de la misère à comprendre. Quand on parle à des parents de jeunes qui se sont suicidés, on le voit que c'est des parents qui aimaient leurs enfants puis oui, qui étaient présents souvent. C'est ça. Oui, je le sais qu'ils les aimaient. Pis qu'ils... Mais ils leur ont-tu montré? Ils leur ont-tu montré comment c'était important d'être là pour eux autres? Ils ont-tu montré que ce petit bonhomme-là ou cette petite fille-là, ils les ont-tu valorisés? Ah, on nous dit que oui, souvent. T'sais, moi, je suis pas dans un garde-robe, je suis pas dans un salon, je suis pas dans cuisine, je suis pas dans un autobus scolaire, je suis pas dans un aréna. Mais il y a des parents qui disent, garde, on a tout fait. On a tout fait, même plus, puis ça a pas été suffisant. Mais est-ce qu'ils ont trop fait aussi? En tout cas, dans ce que j'ai vu, moi, non, honnêtement, non. Ouais. Franchement, non. J'ai l'impression que le jeune qui passe à l'acte, il verra pas les côtés positifs. Il va se dire, il y a personne qui m'aime, je complique la vie de tout le monde. Mais tu sais, il y a tout le temps un élément déclencheur, que ce soit une peine d'amour, quelque chose, c'est ça. Sauf que, avant ça, Denis, tu disais tantôt, t'es élevé dans Watt, là. Moi, ce que j'ai vu, ils ont pas été élevés dans Watt. OK. Comprends. Mais quand je te dis dans Watt, là, moi, là, je l'ai toujours su, là. Tu sais, la journée où je ferais quelque chose de même, là, je tue ma mère en même temps, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? La journée où je commets un geste comme ça, je vais tuer ma propre mère parce qu'elle ne s'en remettra pas. Tu sais, je vais y briser le cœur, je vais y briser l'âme. Je veux dire, même dans le pire de mes moments sombres, ça viendrait me hanter. J'aurais le gun dans les mains, puis je penserais à ma mère, puis je dirais, regarde, je peux pas faire ça à ma mère. Tu sais qu'elle t'aime. Ouais. Que tu le sais pas. Ouais. Ouais. Ben, quand tu le sais pas, puis tu y es trop tard après ça, quand t'as le dit, là, je sais pas, moi, en tout cas, personnellement, moi, je l'ai su après que mon petit frère soit parti, que ma mère m'aimait, là. Pas avant. C'est plate d'être obligé. Je l'ai vu là. Jamais j'aurais pensé ça. C'est plate d'être obligé d'en arriver là. Oui, je sais, mais ça, c'est un facteur, tu sais, mais la plupart du temps, ce que moi, je pense, c'est que les jeunes qui s'en vont, c'est parce qu'ils se disent, de toute façon, aussi, regarde, c'est cher pas. Ils sont pas valorisés, puis c'est ça qui manque aux jeunes d'être valorisés. Allez, merci d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Salut, bonne journée. Il y en a qui en font pas assez. Quand je dis qu'il y en a qui en font peut-être trop, là, je parle de surprotection. Quand tu surprotèges tes enfants, l'autre extrême, c'est pas mieux parce que quand ils sortent de la maison, ils s'aperçoivent que t'es un peu, c'est pas comme avec maman, là. Il y a une vraie vie, hein. Il y a une vraie vie, il y a des problèmes à régler. Puis encore là, ça doit dépendre du gamin. Ouais. Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi unique, là. Eh non, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé mon cégep, là, j'avais pas lavé mon linge, je m'étais pas fait une toast, là. J'avais rien fait, là. Mm-hmm. Tu sais, ça m'a fait du bien d'apprendre à vivre. Ça a pas été, ça a été un choc, mais ça m'a pas rendu dépressif, suicidaire, whatever. C'était un beau débrouiller. Je trouvais que c'était un défi le fun à 16 ans d'avoir rien fait, d'être confronté à la réalité. Je disais, une nouvelle aventure. Tu sais, je trouvais ça stimulant, je trouvais ça positif. Mais je vous trouvais autres, ça là, au Saguenay, puis ma blonde m'a dit ça à 16 ans. Moi, j'étais obligé de partir de chez nous. Tu vois, puis ici de Québec, tu vois pas ça. Là. Ouais. Ça colle jusqu'à 25 ans. Mais j'aurais pu rester chez nous. Tu étudier, t'aurais pu, ouais. Oui, mais j'ai décidé. J'ai décidé parce que je voyais que j'en avais besoin. Je me suis dit, regarde, là, il y a des affaires de vie qu'il faut que j'apprenne, là. Puis je les apprendrai pas chez nous. Fait que je suis aussi bien de sortir et d'être confronté bravo, à moi-même. Bravo, t'sais. Parce que moi, j'ai collé chez mon père jusqu'à 24 ans. Puis ça, à Québec, promène-toi, là. Il y en a beaucoup fréquent. Parce que t'es pas obligé de partir pour. Oui. Pour étudier, c'est peut-être pas ça qui forme une grosse carapace, rester chez maman jusqu'à 24, là. C'est pas, là. Mais si on l'avait la recette parfaite, là. Léo le livre, hein. On parlait de drogue plus tôt ce matin, le pote, comment expliquer ça, l'équilibre. Léo le livre. Mais à la même place que l'autre, je dirais. La recette parfaite des grillades, là. Ricardo l'a mis dans son livre de recettes, là. Mais la recette pour prévenir le suicide, y a pas personne de le trouver encore. Là. Parents for Dummies, là. Léo, ça existe-tu? Pourrais-tu l'écrire? Et là, au choix, comment ça va? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Moi, j'appelle ce matin parce qu'à chaque fois que vous dites que les antidépresseurs, c'est de la drogue puis tout ça, moi, je suis vraiment pas d'accord avec vous autres. Puis, je viens le poil raide de ses bras. Ben, je t'arrête tout de suite, OK? Non, mais attends un peu, là. Attends un peu parce que la réalité... Puis, garde, tant mieux, merci de ton appel. On va expliquer un peu notre position là-dessus. Moi, je le sais qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'antidépresseurs parce qu'ils ont des vrais problèmes de dépression, la vraie maladie de la dépression, les problèmes chimiques, la vraie dépression. Ce qu'on dit là, là-dessus, là, c'est qu'il y en a qui l'étirent un peu, la dépression, qui s'en vont dans le bureau, puis qu'il y a des médecins qui ont la prescription facile. C'est rendu facile. Qu'il y a des gens qui sont un petit peu fatigués, puis ils disent « je suis en dépression », alors qu'ils sont juste un petit peu fatigués de leur semaine, puis un petit peu fatigués de la vie. Là. Tu comprends? C'est juste ça notre point sur les antidépresseurs. Okay, mais merci d'éclairer, parce que, regarde, moi, là, dans le passé, j'en ai eu besoin, OK, pour une période difficile, et ça doit être une mesure temporaire, OK? Et je m'explique. Si tu vas pas bien, tu vas consulter ton médecin puis tu es vraiment en dépression, ben pour aller consulter ton psychologue, il faut que tu sois pas en état de crise, faut que tu sois dans un état tu sais quand même acceptable pour être réceptif à la thérapie. Mm-hmm. OK? Alors souvent pour quelques mois, ton médecin de famille va te prescrire des antidépresseurs, ce qui m'est arrivé dans le passé, j'ai consulté et puis ça m'a ramené. Ouais, mais c'est un débat qui est dur à avoir justement parce que lorsqu'on touche les antidépresseurs, c'est comme quand on touche le cannabis ou l'alcool, tout le monde le prend personnel, tout le monde part de son expérience personnelle pour nous dire c'est bon ou c'est pas bon. Puis le débat de fond, lui, il avance pas. Moi, mon problème avec les antidépresseurs, c'est que je suis convaincu que deux fois par semaine, je pourrais me présenter d'un bureau de médecin, pleurer un peu puis partir avec un pot de pelule. Oui, mais là, le problème, c'est pas ça se trouve pas avec toi, là. Ça se trouve avec le médecin qui les prescrit. Voilà. Qui fait pas l'entrevue. Voilà. Ouais. De fond, avec toi, de prendre le temps de discuter. Moi, mon médecin de famille, lorsque je vais le rencontrer, puis qu'on discute de problèmes, il n'y a pas de prescription facile, laisse-moi te le dire. Sais-tu ce qu'il m'a dit, mon médecin, à un moment donné? C'est lui qui m'a vraiment, mais vraiment, sauvé, entre guillemets. J'avais une job de cadre que je détestais à Québec. Ouais. Pour une grosse entreprise, j'avais un gros salaire. Okay? Mm-hmm. J'étais en arrêt de travail parce que j'étais en dépression. Mon médecin, à un moment donné, après deux mois d'arrêt de travail, j'avais un rendez-vous avec un matin, puis j'ai dit, je file pas pantoute, puis ça m'intéresse pas de retourner là. J'ai besoin d'un autre mois. Il m'a regardé, s'est croisé les bras, il dit, c'est terminé ce matin. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ton rétablissement... ça passe par ton retour au travail. Tu vas faire un retour progressif, mais là, je paniquais. Il dit, selon moi, c'est pas ça la solution, mais il dit, c'est ce que je te propose. La même job? Attends, oui. Ouais. Ce que tu devrais faire, c'est de te poser la question, pourquoi tu es en dépression, tu n'es plus heureux là, mm-hmm. Puis garde, ça presse, trouve-toi un autre job. Mais là, sérieusement, là, ça a été l'éclair de génie. Je suis retourné là deux semaines, j'ai donné ma démission, je me suis trouvé un autre job parce que j'ai un assez bon CV deux semaines plus tard. Puis aujourd'hui, là, je file le parfait bonheur. Platement parlant, ça a été un grand détour pour un geste que tu aurais pu commettre de toi-même de dire la job ça fait pas, je démissionne, je m'en trouve un autre, sans passer par les bureaux de psychologues, de médecins ou d'antidépresseurs. Tu trouves pas avec du recul? Non, pas du tout, parce que quand t'es psychologiquement à terre, tu raisonnes plus, OK? Puis quand tu raisonnes plus, là, tu peux pas dire à quelqu'un c'est ta job, puis tout, puis là, à un moment donné, tu penses à ton salaire, tu penses à ta blonde, tu penses à tes enfants, à ta famille, qu'est-ce qui va arriver? Je vais perdre la face, tu sais. À un moment donné, j'étais allé à une émission chez un de vos compétiteurs à Montréal parler du sujet, et puis la fille qui me l'animatrice en onde me disait est-ce que t'es sûr de ne jamais refaire de dépression? J'ai dit je suis pas certain, mais je peux juste te dire une chose, c'est si je veux en faire une demain matin, un autre solide, je sais tout comment faire pour en faire un autre. Mais là, ça là, c'est des problèmes d'adultes. On fait quoi avec les ados? Tu sais, le problème de base qu'on a actuellement, c'est qu'on ouvre le journal, puis des avis de décès, les jeunes qui se suicident, c'est 17, 18, 20 16, 20, 22. Ouais. Des gens qui souvent, c'est la peine d'amour, puis après ça, c'est la dépression, puis après